Vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Publié par Monsieur l'Abbé Migne, markemdanarchive.org, d'après le PDF de l'abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre second. Thérèse se trouvait engagée dans une maison où depuis ses derniers projets de retraite et de pénitence, il lui eût été difficile de satisfaire à toute l'étendue de son zèle, et les mêmes choses qui s'opposaient à la parfaite régularité de ce monastère, auraient mis obstacle à ses desseins. Durant les jours de sa dissipation, elle ne s'était pas aperçue que cette demeure ne lui était pas convenable, mais sitôt qu'elle se fut proposée des pratiques et des maximes plus sévères, elle ne s'accommoda plus des libertés qu'on y tolérait. La règle qu'on y observait alors était celle qui fut donnée aux ermites du Mont Carmel, par Albert, patriarche de Jérusalem, mais elle n'était plus dans sa première vigueur depuis qu'en l'année 1431, Eugène IV l'avait adoucie. Et cette mitigation ne contentait pas la ferveur de notre sainte. Comme les revenus ne suffisaient pas pour plus de 80 religieuses qu'elles étaient dans ce couvent, les unes s'adressaient à leurs parents, les autres à leurs amis pour en recevoir le supplément à leurs besoins. Ces relations au dehors attiraient beaucoup de visites séculières qu'on recevait d'abord par honnêteté, et ensuite avec plaisir, de la peu d'exactitude dans les observances, peu d'uniformité, dans les sentiments. On se partialisait, on se divisait, et l'on conversait librement avec ses amis, sans respecter les lois du silence. Mais ce qui déplaisait à Thérèse, c'était le défaut de clôture. Avant la défense du Concile de Trente, on sortait avec l'agrément du provincial, non seulement pour des raisons graves, mais frivoles. Thérèse était celle que cette facilité dégoûtait le plus, parce qu'elle aimait mieux que les autres la solitude, et qu'elle en était souvent enlevée par des dames du premier rang, qui, charmées de son commerce et de son humeur, obtenaient des supérieurs la permission de l'emmener avec elle passer plusieurs jours. Cependant, sans se découvrir à personne, elle roulait dans son esprit de grands desseins. Depuis cette terrible vision de l'enfer, elle avait connu les supplices qui lui étaient préparés si elle eût continué de vivre dans les mêmes relâchements. Elle était sans cesse occupée du désir d'entreprendre quelque chose qui pût marquer à Dieu sa reconnaissance, et méditer incessamment en elle-même sur les voies qu'elle pourrait prendre pour y réussir. On avait mis une nièce de la sainte entre les mains de ses religieuses pour former ses mœurs, mais les soins compris de son éducation n'empêchaient pas qu'elle n'eût beaucoup de penchant pour les vanités mondaines, et qu'elle n'employait presque tout son temps à la parure et à l'ajustement. Un soir qu'elle s'entretenait avec sa tante et avec une jeune religieuse de leurs amis, Thérèse, sans faire semblant de songer à rien, commença tout à coup à dire gaiement, comme à son ordinaire, que la vie qu'on menait dans cette maison n'était plus de son goût, que le nombre des religieuses était trop grand, et que cela lui déplaisait. Eh bien, dit aussitôt sa nièce, retirons-nous-en toutes trois, et commençons un genre de vie plus austère, et conforme à celui des anachorètes. Cela ne fut pas dit en vain. Elles passèrent toute la nuit à raisonner sur ce projet, et, après n'en avoir fait que rire d'abord, elles vinrent peu à peu à s'en entretenir sérieusement, et à penser aux moyens de l'exécuter. La nièce, qui était fort vive, offrit tout d'un coup à sa tante 1000 ducats. Thérèse lui sut bon gré de cette offre, mais fut encore plus ravie de voir qu'au milieu de ses vains amusements, elle montrait tant de zèle pour une œuvre qui semblait la devoir si peu intéresser. Il parut bien dans la suite que Dieu la touchait dès lors, puisqu'après que la réforme fut établie, elle se fit carmélite, et vécut si saintement, qu'étant prieure à Valladolid, Le roi et la reine d'Espagne vinrent la visiter au lit de la mort, et lui demandèrent part à ses prières. Le lendemain de cet entretien, la sainte fut visitée par une dame de ses amies, fille du gouverneur de la ville de Tor. Elles s'aimaient toutes les deux tendrement, et Thérèse connaissait cette veuve très propre à contribuer à son dessein. Comme elle voulut découvrir ses sentiments, « Voilà, lui dit-elle, en lui montrant sa nièce et la religieuse, qui étaient présentes, deux jeunes personnes qui parlaient hier de l'envie qu'elles auraient de fonder un monastère, et elles m'ont fait passer la nuit à raisonner sur ce projet si bien concerté, car elles ne veulent pas moins que réformer l'ordre du Mont Carmel. » La dame, loin de railler de cette nouvelle, la goûta fort, et elle insista beaucoup sur cette fondation. Elle leur marqua les moyens d'en assigner les revenus, et il fut résolu qu'avant que de prendre aucune mesure, ou recommanderait à Dieu cette affaire, et que l'on ferait de fréquentes oraisons pour connaître sur cela sa volonté. Elles s'y engagèrent toutes quatre de bon cœur, et un jour, la sainte, après avoir communié, fut intérieurement éclairée d'une manière à ne plus douter que Jésus-Christ ne voulût qu'elle travaillât à cette entreprise. Elle fut excitée à ne rien épargner pour le succès de cet établissement, et à le mettre sous l'invocation de Saint Joseph, et il lui parut que Dieu lui promettait que lui-même serait au milieu des vierges qui demeureraient en ce lieu-là. Mais elle fut de plus persuadée qu'il fallait rapporter à son confesseur cette inspiration et elle sentit aussitôt son courage s'animer pour tout entreprendre, quoiqu'elle prévît toutes les contradictions qui s'élèveraient contre elle. Et ce n'était pas sans frayeur qu'elle pensait que la paix dont elle jouissait lui allait être enlevée, et qu'elle serait bientôt exposée à toutes les agitations des affaires. Les obstacles ne la rebutaient nullement, mais elle n'était pas moins ingénieuse à se les représenter dans tout ce qu'ils avaient de plus difficile, et ce fut toujours la manière dont Dieu la conduisit, soit pour la convaincre de ses faiblesses, ou pour donner plus d'éclat à ses victoires. La maison qu'il fallait quitter était dans la plus belle situation du monde, elle y avait, dit-elle, une cellule très propre et tout à fait à son gré, deux bonnes amies, avec qui elle avait été élevée dès sa jeunesse, l'estime de toutes les religieuses qui s'empressaient pour avoir part à la sienne, et mille commodités de toutes les façons. C'est pourquoi, comme elle reçut pour cette entreprise des inspirations réitérées, elle se sentit combattue lorsqu'elle vint à considérer qu'il n'était plus question de s'arrêter à de simples désirs, mais que le temps de mettre la main à l'œuvre était arrivé, qu'il fallait enfin éclore ce grand dessein, et produire au dehors ce qui n'avait été jusque-là qu'un entretien de pieuse pensée, et qu'il ne s'agissait pas de suivre le mouvement d'une inspiration douteuse, ou de se laisser conduire à quelques lumières incertaines, mais d'obéir à un commandement exprès que Dieu lui avait fait plus d'une fois. Elle alla donc faire le récit de tout au père Alvarez. Comme il était fort prudent, il ne voulut pas rejeter sa proposition avec aigreur, quoiqu'il crût que la chose ne pourrait jamais réussir, mais il l'avertit d'en parler à son provincial, le père Salazar, homme sage et très éclairé. Thérèse conféra sur la réponse de son confesseur, avec la dame son amie, qui s'intéressait à l'œuvre, et avec sa nièce, et il fut résolu que Madame Guillemard, c'était le nom de cette dame, se chargerait de parler au père provincial. « C'est une chose assez surprenante, dit Palafox, de voir trois femmes enfermées dans une chambre du monastère de l'Incarnation d'Avila, dont l'une est une pauvre religieuse, l'autre une jeune fille pensionnaire dans ce couvent, l'autre une veuve de qualité de la ville de Tor, qui toutes trois consultent ensemble à loisir sur les moyens de réformer un ordre comme celui du Mont Carmel, composé de tant de gens illustres, et que tout ce dessein soit fondé sur 1000 ducats, offerts par la nièce de Thérèse et sur le crédit d'une veuve de ses amis. Cependant, on alla trouver le père provincial des Carmes. Ce religieux, dont la piété était fort solide, approuva leur dessein, il les assista même de ses conseils et de ses soins, et leur promit de recevoir le nouveau monastère au nombre de ceux qui étaient sous sa conduite. Avant que le provincial se fût déclaré si favorablement, Thérèse avait écrit à Saint-Pierre d'Alcantara, qui la confirma fortement dans sa résolution, et en avertit l'évêque d'Avila. Elle en écrivit aussi au père Louis Bertrand, de l'ordre de Saint-Dominique, qui demeurait alors à Valence, et il l'engagea fort à cette entreprise. De si beaux commencements effrayèrent le démon, et il répandit partout l'esprit de discorde. On sut bientôt dans la ville ce nouveau dessein, et dès que la chose fut publique, on entendit de toutes parts que des railleries sur l'extravagance de l'entreprise, et des médisances contre celle qu'il avait formée. Cela même fut si loin, que Madame Guillaumard étant allée le matin du jour de Noël trouver son confesseur, il la renvoya comme indigne de recevoir l'absolution, et comme étant la cause d'un si grand scandale. Thérèse comprit que, pour apaiser ses murmures, il fallait recourir à l'autorité de quelques personnages de grande considération. Ainsi, de crainte que les pères de la Compagnie de Jésus, nouvellement établis dans Avila, peu connus et peu à leur aise encore, ne fussent molestés, s'ils paraissaient donner leur protection à ce nouveau projet de réforme. Elle alla avec Madame Guillaumard trouver le père Ivanier, homme illustre par sa doctrine et par sa vertu, l'esprit le plus éclairé qu'il y eut en ce lieu, et peut-être dans tout son ordre, ordre de Saint-Dominique, et dont la réputation devait être d'un très grand poids sur ceux qui s'opposaient à l'entreprise. On ne lui parla point des inspirations particulières qui avaient fait sur cela connaître les volontés divines, car elle voulait être déterminée par les lumières ordinaires des théologiens. Ce religieux était déjà prévenu par quelques personnes qui s'étaient bien attendues qu'on le consulterait, et un des plus considérables officiers de la ville l'avait averti de ne pas donner son approbation à ce dessein. Le père Ivanier était lui-même persuadé que l'exécution en était impossible, mais, pour ne point d'abord contrister ces dames, il se chargea d'examiner cette affaire, et leur demanda 8 jours pour y penser plus à loisir, très résolu néanmoins de les en détourner ensuite. Outre le peu de vraisemblance que ce père voyait au succès de l'entreprise, il considérait encore combien Thérèse avait d'obstacles à combattre, les plaintes du monastère de l'Incarnation, les contradictions des pères Carmes, la résistance de la noblesse, l'opposition des magistrats et les murmures des peuples. Cependant, dès qu'il eut fait un peu de réflexion sur la chose, elle lui parut une inspiration divine, et quand Thérèse vint le retrouver avec son ami, il leur dit qu'elle devait suivre ce dessein, et que si quelqu'un s'y opposait, on n'avait qu'à le lui envoyer. Cette réponse encouragea ces dames. On fit le prix d'une maison pour l'acheter, et l'on en devait signer le contrat le lendemain, mais les oppositions de la ville et du couvent de l'Incarnation firent un si grand éclat, que le père provincial, effrayé de tant d'ennemis, sous prétexte que les revenus seraient trop modiques et trop peu assurés, refusa la permission qu'il s'était engagé de donner, et retira sa parole. Quoique Thérèse, pour en venir si avant, eût essuyé bien des combats et bien des peines, dès qu'elle eut appris par Madame Guillaumard le refus du provincial, elle se tint en repos sans plus se donner aucun mouvement pour cette négociation, ce qui fut une belle preuve de son obéissance. Alors tout le monde commença à parler d'elle avec moins d'estime, on la regarda comme une femme sans jugement. Toutes les religieuses de l'Incarnation s'irritèrent contre elle, comme si leur réputation eût été attaquée par cette nouvelle entreprise, et il y en eut qui allèrent jusqu'à dire qu'elle devrait être enfermée dans une prison. On lui venait dire en tremblant que les temps étaient fâcheux, et que l'on pourrait bien lui susciter quelque méchante affaire, et donner avis aux inquisiteurs de sa conduite. Elle souffrit tout avec patience, croyant avoir obéi à Dieu, et cette pensée suffisait pour la calmer, et même pour la réjouir. Ainsi, quoiqu'elle se désistât de toute poursuite, elle ne perdit néanmoins jamais la confiance que la promesse de Jésus-Christ s'accomplirait. Toutes ses plaintes se réduisirent à dire à Dieu dans sa prière, « Pourquoi, Seigneur, me commandez-vous des choses qui paraissent impossibles? Encore, toute femme que je suis, si j'avais la liberté mais enchaînée de tous côtés, sans argent, et sans savoir où en prendre, ni pour les expéditions, ni pour autre chose, que puis-je faire, Seigneur ?» Le père Alvarez n'avait pas paru d'abord d'un sentiment contraire à Thérèse, mais dès qu'il sut le refus du provincial, il se déclara contre ce qu'elle voulait entreprendre, et lui écrivit qu'elle devait être maintenant persuadée par le mauvais succès, que tout son projet n'était qu'une rêverie, et que cela devait l'instruire pour l'avenir à ne plus penser à de telles entreprises, et à ne plus parler jamais de celles-là, dont toute la ville avait été scandalisée. Cette lettre la toucha vivement, elle commença à craindre d'avoir été une occasion de pécher à quelqu'un, à douter des inspirations qu'elle avait eues, et à hésiter même sur la vérité de toutes les révélations de sa vie passée. Dieu la consola dans ses inquiétudes, il la combla de faveurs nouvelles, mais lui ordonna de se soumettre à son confesseur pendant quelque temps. Cependant le père Ivanier et Madame de Guillaumard, qui, sur cette affaire, n'étaient soumis à l'obéissance de personne, poursuivaient conjointement et sans relâche le projet de la fondation, tandis que Thérèse, pour se tenir soumise à ses supérieurs, se tenait tranquille dans son couvent, où Jésus-Christ la fortifiait, et répandait sur elle toutes les douceurs de sa grâce. Ces négociations demeurèrent suspendues pendant 6 mois. Au bout de ce temps, il vint au collège des Jésuites un nouveau recteur, plus favorable au dessein de Thérèse que le précédent, qui avait engagé le père Alvarez ainsi opposé. Celui-ci s'appelait le père Gaspard Salazar, dont la sainte parle en plusieurs occasions comme d'un homme d'un très grand mérite, et avec qui elle fut dans une étroite liaison. Il goûta d'abord la vie du père Alvarez, mais il en changea bien vite, quand il eut examiné mieux la chose, et non seulement il fut un des plus empressés pour le succès de cette entreprise, mais il fit revenir le père Alvarez à son sentiment, en sorte que 3 ordres de l'Église contribuèrent à la réforme des Carmes, celui de Saint-François, par le père Pierre d'Alcantara, celui de Sainte-Dominique, par le père Ivanier, et celui des Jésuites par le père Salazar, recteur d'Avila. Dès que Thérèse vit son confesseur dans son sentiment, elle amassa le plus d'argent qu'elle put, et, pour ne pas faire éclater imprudemment sa négociation, elle écrivit à sa sœur d'envoyer son mari à Avila pour y faire le marché de la maison, comme si ce devait être pour lui. Son beau-frère lui rendit volontiers ce service. Il vint d'Albe, où il faisait sa demeure avec sa famille, et l'édifice fut commencé le 10 août 1561. Thérèse engagea sa sœur à venir peu de temps après, mais, de crainte qu'on ne se défiât de quelque chose, elle recommanda à cette dame de laisser entendre aux habitants qu'elle venait fixer son séjour à Avila, et que cette maison s'ajustait pour elle. De cette sorte elle eut inspection sur l'ouvrage, et le visitait souvent, pour animer les ouvriers à l'expédition. Nous ne tairons point ici un miracle attesté dans les informations juridiques ordonnées par le pape pour la canonisation de la sainte. Ce fut au sujet du fils unique de sa sœur. Cet enfant n'avait que 5 ans, et un jour que son père revenait à la maison, il le trouva étendu sans mouvement et déjà froid, sous les débris d'un pan de muraille qui était tombé, et qu'il avait écrasé pendant qu'il jouait. Le père le relève, il l'embrasse, il l'appelle, mais l'enfant n'avait plus ni signe de vie ni sentiment. Aussitôt ce père affligé, ne sachant pas trop ce qu'il faisait, apporta son fils à Sainte Thérèse, au monastère de l'Incarnation. Cependant la mère, qui entendit les clameurs des domestiques, se contraignit quelque temps par honnêteté pour une dame de condition qui lui rendait alors visite, mais ne pouvant plus se contenir, parce qu'elle se doutait de ce malheur, elle n'en fut pas plutôt éclaircie, qu'elle s'abandonna aux cris les plus douloureux, et dans le transport de son désespoir elle accourut auprès de sa sœur. L'enfant était entre les bras de Thérèse, qui, voyant la mère dans une si violente agitation, l'exhorta fort à s'apaiser. Plusieurs personnes étaient présentes, et dans un profond silence attendaient les suites de cet événement. Thérèse, ayant baissé son voile, approcha son visage de l'enfant, et demeura quelque temps en cet état. Elle poussa intérieurement vers Dieu des gémissements et les plus ardents soupirs, afin qu'il daignât épargner une si grande affliction à ceux dont il voulait bien se servir pour établissement de son nouveau monastère. Aussitôt l'enfant, comme revenu d'un profond sommeil, porta ses petites mains au visage de la sainte qui l'embrassa tendrement. Et alors Thérèse, comme si l'enfant se fût réveillé naturellement selon sa coutume, dit à la mère avec des paroles accompagnées de sa politesse et de sa prudence ordinaire, « Et grand Dieu, ma sœur, à quel excès de trouble vous abandonnez? Vous tenez, voilà votre enfant réveillé, embrassez-le tout à votre aise. » Comme on remarqua dans la suite que Thérèse n'aimait pas qu'on lui parlât de cette aventure, on ménagea sur cela sa modestie, mais l'on ne put empêcher Gonzalès, c'était le nom de l'enfant, que l'on en avait instruit, de dire quelquefois à sa tante, quand il fut plus âgé, qu'elle était obligée de lui faire faire son salut en sûreté, puisque sans elle il serait déjà dans le ciel. Il expérimenta durant sa vie la fidélité de sa tante à prier pour sa sanctification, car il mourut 3 ans après elle, en sa 28e année, et fit paraître à sa mort de grands témoignages de sa vertu. Thérèse ne laissait pas d'être incertaine à qui elle obéirait, ou à son provincial, ou à l'évêque, mais Dieu lui inspira de suivre plutôt ce que lui prescrirait son prélat Alvar de Mendos, qui entrait sérieusement et ardemment dans cette affaire, et qui envoya au pape pour obtenir qu'on lui en laissât l'administration. Ainsi elle se calma sur ce point, et crut que, dans les commencements, il fallait ne se déclarer à personne de suspect, car, quoiqu'on n'aperçût plus de mouvement en dehors pour cette entreprise, on ne l'avait pas oublié, et l'on en blâmait toujours Thérèse dans l'occasion. Un jour qu'elle était à un sermon avec sa sœur, le religieux qui prêchait parla contre les révélations fausses et leur mauvaise suite. Il attaqua Thérèse ouvertement, et la reprit avec aigreur en public, comme si elle eût commis le plus grand péché du monde d'avoir ce dessein, mais tout cela ne l'inquiétait guère, tandis que l'œuvre s'avançait sourdement, et se poursuivait avec ferveur, une muraille bâtie sur d'excellents fondements, et soutenue par des arcs-boutants solides, fut renversée durant une nuit. Et comme on ne put jamais connaître la cause de cet accident, on ne l'attribua qu'au démon, qui ne pouvait souffrir les progrès de cette entreprise. Le beau-frère de la sainte, qui présidait au travail des ouvriers, les reprit de leur mauvaise construction, et se préparait à les contraindre de refaire le mur à leurs frais, mais la sainte l'avertit de ne les y pas obliger, et lui dit que ce malheur était l'effet de la colère et de la malice du démon. Cette chute de muraille découragea beaucoup Madame de Guillaumard, elle vint trouver la sainte, et lui dit que peut-être Dieu n'approuvait pas leur entreprise, puisqu'une muraille si forte et si bien bâtie s'était renversée contre toute apparence. Thérèse, sans s'émouvoir, lui répondit d'un air agréable, mais sérieux, si la muraille est renversée, il faut la relever. Aussitôt la dame fut calmée, et elle envoya un courrier à sa mère pour lui demander l'argent qu'il fallait pour le rétablissement de ce mur. Rien ne faisait perdre courage à Thérèse, elle craignait seulement que le père provincial, par quelque voie indirecte, n'eut connaissance de ce qu'on négociait, et ne lui défendit d'aller plus loin, mais Dieu même apporta remède à cette crainte. Un des premiers seigneurs de la Castille, Avia Parlo, mourut à Tolède. Sa femme, qui était sœur du duc de Medina Celi, en fut si vivement affligée, que rien n'était capable de la consoler. Elle entendit parler de Thérèse comme d'une personne éminente en vertu, que les grâces de son humeur rendaient aimable à tout le monde, et qui, selon ce qu'on en disait, devait être très capable de contribuer au soulagement de ses peines. L'envie qu'elle eut de la voir la fit écrire au provincial des Carmes, pour le prier de donner à la sainte la permission de venir passer quelques jours avec elle. Ce père, ravi d'avoir occasion d'obliger une dame de cette importance, écrivit du lieu où il était à Thérèse qu'elle alla trouver cette dame au plus tôt. Elle reçut la lettre la veille de Noël, et tous ceux à qui elle la montra, et qui savaient le secret de ses affaires, lui dirent qu'elle les allait entièrement ruiner si elle partait, et que sa présence était absolument nécessaire à Avila. Thérèse, qui crut voir la volonté de Dieu dans l'ordre de ses supérieurs, ne s'arrêta point à ses raisonnements, outre que Jésus-Christ l'avait intérieurement averti de partir avec confiance, et l'avait instruite que son absence était nécessaire au succès de son entreprise, jusqu'à ce que les nouvelles de Rome fussent arrivées. Ainsi l'après-dîner du lendemain, propre jour de la fête, elle partit avec son beau-frère, qui l'accompagna sur la route, pour lui rendre les services dont elle pouvait avoir besoin dans une saison si rigoureuse. Les gens qui n'entraient point dans les mystères de la négociation, la voyant entreprendre un voyage de plus de 20 lieues, crurent qu'elle ne pensait plus à son œuvre, et l'on recommença de nouveau à faire des railleries de sa conduite. Cependant elle arriva heureusement à Tolède, où elle reçut bien des caresses de cette dame, qui ne fut pas longtemps à s'apercevoir combien la compagnie de la sainte lui était utile. Sa naissance et le commerce du grand monde lui avaient donné des manières nobles et polies qu'elle mettait à tout moment en usage pour prévenir Thérèse par 1000 témoignages d'une tendre amitié. La sainte en était confuse, et s'en trouvait embarrassée. Cependant sa conversation et ses exemples firent beaucoup de bien dans cette maison. Les personnes qui venaient souvent y rendre visite étaient, dit la sainte, d'un si haut rang, que j'aurais dû tenir à honneur de les servir, je vivais néanmoins, et je parlais avec elles aussi librement que s'il n'y eut point eu de différence entre elles et moi. Thérèse était bien éloignée de flatter cette dame par des discours qui pussent la nourrir dans une fausse idée de son élévation. Quelquefois, dit-elle, je t'entretenais des réflexions que je faisais sur les avantages de mon état au-dessus du sien. Je considérais qu'elle était femme comme moi, sujette, au milieu de sa grandeur, aux mêmes faiblesses et aux mêmes passions, et je concluais de là, devant elle, combien peu l'on doit être touché de ces grands titres du siècle, puisque, plus l'on est élevé, plus on a d'inquiétude et de peine. La seule application à soutenir la dignité de son état ne laisse pas vivre un moment en repos. On mange hors de temps et de règles, parce qu'il faut que tout aille conformément à la qualité, et non selon le tempérament et les besoins. Il faut souvent se régler plutôt par sa condition que par son goût. Cela me fit concevoir une si grande aversion de cet état de grandeur, que je disais en moi-même, Dieu me garde de tous ces malheureux assujettissements. Tout ce qu'il y avait de personnes en service de cette dame, depuis les premiers officiers jusqu'aux domestiques les plus subalternes, profitèrent du séjour que Thérèse fit à Tolède, elle leur inspira le goût de la piété, régla les heures de leurs loisirs, et leur donna des occupations sanctifiantes, mais elle dit qu'elle se trouvait beaucoup fatiguée d'avoir à tout moment à les accorder dans les rencontres où la jalousie et l'intérêt mettaient entre eux de la division. Dieu continuait de répandre sur elle ses faveurs, comme il avait fait dans son monastère, et pour satisfaire à la reconnaissance qu'elle en avait, elle ne manquait aucune occasion de porter les âmes à la vertu. Un jour elle fut à la messe aux Dominicains, où elle apprit qu'un religieux de cet ordre, qu'elle connaissait, était alors dans la ville. Elle demanda à le voir, parce qu'elle avait remarqué autrefois en lui bien des dispositions à s'avancer dans les voies de la contemplation, mais elle s'aperçut, par leur entretien, qu'il y avait fait de très grands progrès. Comme elle avait pour lui beaucoup d'estime, elle fut si touchée de l'accroissement de ses lumières, que, pressée du désir qu'il en reçut encore davantage, elle pria Jésus-Christ de l'éclairer toujours de plus en plus. « Vous ne devez point, dit elle, Seigneur, me refuser cette grâce, car cette personne est toute propre à être de nos amis. Ô bonté, ajoute-t-elle aussitôt, ô accent circonflexe, condescendance infinie de mon Dieu, qui ne prend pas garde aux paroles, mais qui considère seulement le zèle et l'affection d'où elles partent, et qui souffre qu'une misérable créature telle que moi s'exprime si hardiment devant une si haute majesté. En ces occasions c'est l'amour qui parle, et non pas moi. Une personne très dévote et très attachée aux religieux du Mont Carmel, qui s'en allait à Rome pour demander la permission de fonder un monastère de carmélites réformés, ayant appris que Thérèse était à Tolède, se détourna beaucoup de sa route pour la venir voir. La sainte, qui n'était pas encore bien instruite des anciennes constitutions de son ordre, ne savait pas, avant que d'avoir entretenu cette personne, que la règle ordonnait, avant la mitigation, que les maisons n'eussent pas de revenus. Cette ouverture lui fit plaisir, elle la détrompa de l'erreur où elle avait été de croire que les rentes bien fondées empêchaient les inquiétudes, au lieu, dit-elle, de considérer les grands soins et les embarras que la propriété des possessions entraîne avec elle. Elle en écrivit à ses amis d'Avila, qui s'opposèrent fort à sa résolution, mais elle fut confirmée dans son sentiment par le conseil de Saint-Pierre d'Alcantara, qui l'exhorta fort à ne pas faire autrement, et lui exposa avec éloquence tous les avantages de la pauvreté. D'ailleurs elle eut sur cela des inspirations si fortes, et qui la convainquirent si clairement que c'était la volonté de Dieu, qu'elle ne s'arrêta plus au raisonnement qu'on lui faisait pour l'en détourner. Depuis longtemps Thérèse, pour obéir à un de ses confesseurs, avait commencé d'écrire toutes les particularités de sa vie, mais n'avait pas continué. Comme, durant son séjour à Tolède, elle se trouva un peu plus libre, elle acheva, pour satisfaire au père Ivanier, qui la pressait fort de lui découvrir tout ce qui lui était arrivé depuis son enfance. Ce célèbre dominicain lui avait rendu de si grands services sur les perplexités de son âme, et pour l'affaire du nouvel établissement, qu'elle ne put jamais le refuser. Si, lorsque la sainte composa cet écrit, elle eût été moins gênée par divers assujettissements, il y aurait dans son histoire plus de précision et d'exactitude, mais c'est à son peu de loisir, aux détails étrangers qu'on exigeait d'elle, à la prompte expédition qu'on lui demandait, à l'impossibilité de la révision, qu'il faut attribuer les digressions et les redites, qui rendent quelquefois l'ouvrage un peu languissant. Tout y plaît d'ailleurs, l'éloquente naïveté des narrations, la peinture des caractères, l'expression des sentiments, les traits brillants d'un génie heureux, enfin l'élévation et la vivacité du style, surtout dans une langue tout à fait propre aux métaphores, et susceptible de tout l'ornement des figures. Voici la lettre qu'elle écrivit au père Ivanieze en lui envoyant sa relation. Le Saint-Esprit soit toujours avec vous, mon révérend père, ainsi soit-il. Je ne ferai point trop mal de vous exagérer le mérite de mon obéissance pour vous obliger de me recommander à Dieu avec plus de zèle, car quelle peine n'ai-je point eu à me voir dépeinte sur ce papier, et à me retracer l'idée de toutes mes misères. Je puis dire néanmoins avec vérité que j'ai plus souffert encore à déclarer les grâces du Seigneur que mes péchés. Je me suis fort étendu, suivant vos ordres, à condition que vous déchirerez ce qui ne vous paraîtra pas bien, comme vous me l'avez promis. Je n'avais point achevé de relire cet écrit quand vous l'avez envoyé chercher, peut-être y trouverez-vous bien des choses mal expliquées, d'autres qui seront répétées. J'ai eu si peu de temps, que je ne pouvais revoir ce que j'avais fait. Je vous prie, avant que de l'envoyer au père Maître Davila, de le corriger et de le faire transcrire, de crainte que quelqu'un ne reconnaisse mon écriture. Je serai fort à ce qu'il le voie, et en le commençant j'ai eu intention qu'il en jugeât. S'il me croit dans le bon chemin, j'en serai extrêmement consolé. Voilà tout ce que je puis faire et tout ce qui dépend de moi. Usez-en, mon révérend père, en toute chose comme il vous plaira, et souvenez-vous que vous voilà engagé à ne pas abandonner une personne qui remet son âme entre vos mains. Je recommanderai la vôtre au Seigneur tant que je vivrai. Vous ne me sauriez faire un plus grand plaisir que de vous hâter d'avancer de plus en plus dans son service. Vous avez déjà bien commencé, mais vous verrez dans cette relation combien il est avantageux de se donner tout entier à celui qui se donne à nous sans réserve, qu'il soit à jamais béni. J'espère de sa bonté que vous et moi nous verrons un jour les grandes miséricordes qu'il nous a faites, et que nous le louerons éternellement dans le séjour de la gloire. Ainsi soit-il. La sainte retoucha cet ouvrage dans la suite, et l'arrangea avec un peu plus de méthode, et telle que nous l'avons aujourd'hui, par ordre du père Garcia de Tolède, qui était devenu son confesseur. Après que Thérèse eut été plus de 6 mois chez cette dame, l'ordre de son provincial fut changé en une permission de revenir à Avila, ou de demeurer encore à Tolède. Comme on travaillait à l'élection d'une prieure au monastère de l'Incarnation, elle appréhendait qu'on ne jetât les yeux sur elle, et ce n'était pas sans fondement, car tous les suffrages se réunissaient pour lui donner cette charge. Tant par l'amitié qu'on lui portait, et la connaissance qu'on avait de ses talents, que par l'envie de la fixer à cette place, et de lui ôter les idées de son dessein, ces conjonctures l'embarrassèrent, et elle voulait différer son retour sous prétexte des grandes chaleurs qui rendaient le voyage plus pénible, mais Dieu lui fit connaître dans l'oraison que rien ne devait la retarder, qu'elle était nécessaire à Avila, qu'à la vérité elle devait se préparer à une croix bien pesante, mais qu'elle prit courage, et qu'il ne l'abandonnerait pas. La voix de Dieu se faisait souvent entendre à Thérèse d'une manière si claire qu'elle ne pouvait s'y méprendre, et si nous ignorons les ressorts de cette opération divine, nous comprenons du moins que, dans une âme pure et bien dégagée des objets sensibles, la vérité se manifeste avec plus de certitude que tout ce que l'on peut connaître par l'entremise des sens. La sainte elle a trouvé son confesseur, qui était un jésuite de Tolède, elle lui dit son inspiration, et qu'elle craignait que cette pesante croix ne fût la supériorité de son monastère. Ce père, qui ne savait comment calmer son inquiétude, lui conseilla de partir sans délai, malgré les chaleurs excessives, car c'était au milieu de l'été. Quand la dame chez qui Thérèse demeurait vit qu'elle était résolue à partir, la douleur qu'elle en eut fut si violente, que ce fut pour la sainte une autre espèce de tourment d'avoir à soutenir son affliction, et à se vaincre elle, même sur les attendrissements que sa reconnaissance ordinaire lui causait. Elle dit que lorsqu'elle fait réflexion à l'attachement que cette dame avait pour elle, La permission qu'elle en obtint pour s'en aller lui parut un miracle. Après qu'elle eut surmonté toutes les peines que lui causait ce départ, elle se mit en route pour Avila. « J'avançais, dit-elle, mon chemin gaiement, fort résolue à tout ce que Dieu voudrait m'envoyer. » Elle arriva très promptement, si elle eût différé un peu davantage, ou se fût arrêtée quelque part, elle eût tout à fait perdu l'occasion de faire son établissement. Ce n'était donc pas pour la supériorité de l'ancien monastère, mais pour la fondation du nouveau, qu'il fallait tant se hâter, car les lettres du pape qui donnaient à l'évêque l'administration de cette affaire, arrivèrent à Avila le même jour que la sainte. Saint Pierre d'Alcantara y était alors, et par le poids de son autorité, et surtout par la déférence que l'évêque avait pour lui, il donna un grand mouvement à cette entreprise, car ce prélat avait peine à consentir que ce nouveau monastère s'établisse en rente, mais Saint Pierre d'Alcantara l'y détermina si bien, qu'il s'y porta dans la suite avec ardeur. Ce merveilleux saint ne survécut guère à l'achèvement de cette œuvre, et au bout de quelques jours il alla recevoir dans le ciel la récompense de ses austérités et de ses vertus. Il semble qu'il n'avait été retenu sur la terre que jusqu'au retour de Thérèse. Elle eut une connaissance particulière de son éminente sainteté, et les impressions qu'elle fit sur elle l'ont obligée d'en rapporter quelques circonstances dans l'histoire de sa propre vie. Elle avait appris de lui-même qu'il passa 40 ans sans dormir plus d'une heure et demie, tant de jours que de nuits, et que de toutes les austérités qu'il avait pratiquées, celle de vaincre le sommeil lui avait paru dans le commencement la plus grande, que pour ce sujet il était toujours debout à genoux, et que, durant le peu de temps qu'il s'asseyait pour dormir, il appuyait sa tête contre un morceau de bois scellé dans le mur. Quand il aurait voulu se coucher, il ne l'aurait pu, parce que sa cellule, comme on le sait, n'avait que 4,5 pieds de long. Pendant tout ce temps il ne couvrit jamais sa tête, et la tint toujours exposée aux ardeurs du soleil et aux incommodités de la pluie et du froid. Il marchait toujours les pieds nus, ne portait rien sur sa chair qu'un habit de bure fort étroit, avec un manteau de la même étoffe, qu'il quittait dans les grands froids, et ouvrant sa porte et sa fenêtre, afin que les refermant ensuite, et reprenant son manteau, il donna quelque soulagement à son corps. Il ne mangeait d'ordinaire que de 3 jours en 3 jours, et disait à la sainte, qui s'en étonnait, que cela n'était pas impossible quand on s'y accoutumait durant sa jeunesse. Il passa 3 ans dans un monastère de son ordre sans connaître aucun des religieux qu'à la voix, parce qu'il ne levait jamais les yeux pour rien regarder, et n'allait dans les divers endroits de la maison qu'en suivant les autres. La même chose lui arrivait par les chemins. Il passa plusieurs années sans regarder aucune femme, et il disait à Thérèse que du moins, s'il les regardait, c'était sans les voir. Lorsqu'elle le connut, il était déjà fort âgé, et si atténué, si décharné, que sa peau ressemblait plutôt à une écorce d'arbre desséchée qu'à de la chair. Il parlait peu, à moins qu'on ne l'interrogeât, mais sa grande sainteté ne le rendit point farouche, et il avait l'entretien fort doux et fort agréable. La sainte dit qu'elle prenait plaisir à parler de cet homme incomparable, et nous n'aurions pas suivi ses sentiments si nous n'en eussions dit quelque chose. Il y eut une conduite de Dieu bien marquée dans la maladie qui arrêta le beau-frère de Teresa Avila, lorsqu'il se disposait à s'en aller. Il se vit obligé de garder le lit autant de temps qu'il fallait pour donner à notre sainte un prétexte honnête de sortir souvent de son monastère afin de faire avancer l'ouvrage, car personne n'y veillait depuis que sa sœur était partie, et que Madame Guillaumard était absente, pour mieux tenir leur dessein caché. Ainsi, quand la chose fut venue en tel état qu'on n'avait plus besoin du beau-frère, il dit à Thérèse en plaisantant, « Je crois qu'il n'est pas nécessaire que ma maladie soit plus longue, et en effet, Le lendemain il fut guéri. Thérèse comprenait combien il importait de presser l'ouvrage, mais elle eût été bien embarrassée pour l'achever, si, dans le temps qu'elle se vit manquer tout à fait d'argent, un de ses frères, qui demeurait aux Indes depuis 34 ans, ne lui eût envoyé une somme considérable lorsqu'elle s'y attendait le moins. Elle reçut ce secours comme un présent du ciel, et dans la réponse qu'elle fait à son frère, lettre 290 de la Sainte, elle lui marque que cet argent était venu fort à propos. Jamais, dit Palafox à cette occasion, note sur cette lettre, il ne vient à contre-temps, si ce n'est quand on le reçoit pour le garder, et que l'avarice l'emprisonne, mais ce n'était pas là l'usage que la Sainte en voulait faire. Elle fit accommoder le lieu qui devait servir d'église, et les dedans le mieux qu'on put, mais tout se trouvait pourtant fort petit et fort pauvre. Je n'eus pas peu de peine, dit-elle, soit pour ménager les uns et les autres, soit autour du malade, soit autour des ouvriers pour faire donner incessamment à l'édifice quelques formes de maisons religieuses. Le bref de Rome avait été expédié au nom de Madame Guillaumard par ordre du pape Pie en l'année 1562. Quelques personnes se doutaient de toute cette négociation, mais, comme elle n'en avait pas de preuves sûres, elle ne pouvait rien faire pour s'y opposer. Quand tout fut mis en bon ordre, Thérèse commença de s'occuper encore plus de l'édifice spirituel que du matériel. Elle choisit 4 filles, destituées à la vérité des biens de la fortune, mais très riches en vertu, pour être les 4 colonnes de ce temple. C'étaient des filles d'un très bon esprit et de beaucoup de courage, telles qu'il fallait être pour un établissement de cette nature. Enfin, le 24 août de l'année 1562, Thérèse, accompagnée de 2 religieuses de l'Incarnation, ses parentes, qui se trouvaient alors hors de leur couvent, fit donner l'habit à ses 4 filles par le docteur Das. Après qu'il eut solennellement consacré l'église, et qu'il eut mis le Saint-Sacrement, voilà de quelle manière se fit le premier monastère des Carmélites réformés qui fut consacré sous l'invocation de Saint-Joseph, dont nulle autre église ne portait encore le nom. La sœur et le beau-frère de la Sainte, Gonzalès d'Aranda, Julien d'Avila, François de Salcède, et ses autres amis particuliers qui avaient la connaissance de son dessein, furent présents à cette cérémonie. Quand la Sainte eut mis tout en ordre, elle ne songea plus qu'à retourner au monastère de l'Incarnation, dans l'espérance de revenir à celui de sa réforme, quand le provincial le lui aurait permis. Comme elle n'avait rien entrepris dans cette négociation que par le conseil, et après l'examen des plus célèbres théologiens, pour ne rien faire avec imprudence, elle avait lieu d'espérer que son supérieur ne lui refuserait pas son agrément. Quand elle eut bien considéré l'heureux accomplissement de ses désirs, à peine pouvait-elle contenir les transports de sa joie, elle voyait la fidélité des promesses de Jésus-Christ, le titre de Saint-Joseph donné à sa nouvelle église, l'acquisition de 4 jeunes religieuses remplies de ferveur et de vertu, c'en était assez pour lui donner une satisfaction parfaite, mais l'ennemi du salut des hommes ne put la voir si contente sans en être au désespoir. Ainsi Dieu permit que tout à coup l'esprit de la Sainte fût enveloppé d'épais nuages. Elle se sentit agitée de crainte, de soupçons, d'ennui, et de 1000 autres sentiments affreux. À cela vint se joindre l'incertitude cruelle, si elle n'avait point agi contre l'intention de son provincial, si la vertu d'obéissance n'avait point été méprisée, si ces jeunes filles pourraient supporter une si grande austérité de vie, si elles auraient de quoi se nourrir, si elles-mêmes, infirmes comme elles étaient, pourraient subsister sans être secourues des autres religieuses de son premier couvent, avec qui elle avait si familièrement vécu, si ce n'était point le démon qu'il était venu troubler dans son cloître, où elle jouissait d'un profond repos, uniquement appliqué à la méditation des choses divines. Un moment auparavant elle était comblée de joie, et maintenant elle succombe à sa tristesse. Toutes les promesses et toutes les faveurs de Jésus-Christ, toutes les décisions des hommes sages, tous les témoignages de la divine miséricorde étaient évanouis de sa mémoire aussi entièrement que si jamais elle n'en eût fait l'expérience. C'est ainsi que le Seigneur éprouve les grandes âmes. Aussi Thérèse eut-elle presque toute sa vie quelque chose à combattre, afin que les grâces extraordinaires qu'elle recevait ne lui ôtassent point la vue des misères de la condition humaine, et qu'elle ne pût pas dire dans son abondance, « Je ne serai jamais ébranlée », mais il faut l'entendre parler elle-même en cette occasion. « La foi, dit-elle, et toutes les autres vertus étaient en moi si affaiblies, et leurs opérations tellement suspendues, que je n'en pouvais tirer aucune force pour me défendre de tant d'attaques. Je commençais à douter si je pourrais supporter une si rude pénitence, avec tant d'infirmité, si je pourrais me résoudre à m'enfermer dans une si petite maison. Je me représentais que j'en quittais une grande et agréable où j'avais toujours été si contente, où j'avais tant de bonnes amies, que les personnes qui étaient ici avec moi ne seraient peut-être pas à mon QRE accent grave, que je m'étais engagé à bien des choses capables de me porter au désespoir, que peut-être le démon avait prétendu par la mettre la paix et la tranquillité de mon cœur, que je ne pourrais plus faire oraison dans le trouble et dans l'inquiétude, et que je m'exposais à me perdre. J'avais l'esprit tellement rempli de tout cela, et d'autres choses de pareille nature, qu'il n'était pas possible d'en détourner ma pensée, et d'ailleurs mon âme était plongée dans une telle amertume, et dans de si noires ténèbres, que je n'ai point de terme pour m'en expliquer. En cet état je m'en allais devant le Saint-Sacrement, mais, d'y faire aucune prière, cela n'était pas en mon pouvoir, et je n'avais au cœur et à la bouche qu'une voix de plainte comme si j'eusse été à l'agonie. De plus, je n'osais en parler à personne, car depuis le départ du Père Alvarez, je n'avais point encore de confesseur arrêté. Ô mon Dieu, dans quelle misérable vie sommes-nous ici, où il n'y a ni contentement assuré, ni bien qui ne soit sujet au changement. Il n'y avait qu'un instant qu'il me semblait que je n'aurais pas voulu changer mon bonheur contre toutes les félicités de la terre, et un moment après la même chose qui avait fait ma joie me causait un si affreux tourment, que je ne savais que faire de moi. Aussi nous faisions une sérieuse attention à tout ce qui se passe ici-bas, chacun connaîtrait par expérience qu'on doit bien peu se mettre en peine d'y avoir de l'affliction ou de la joie. Thérèse a bien raison de dire que dans toute sa vie, elle n'eut guère de trajet plus rude à essuyer que celui-là. Elle fut une demi-journée dans cette situation douloureuse, mais au milieu de ces perplexités cruelles, un rayon de lumière divine vint apparaître, qui, dissipant l'orage, fit connaître l'auteur du trouble. Alors elle se ressouvint de sa première fermeté, et de cette résolution qui lui avait fait désirer de servir Dieu au milieu des peines et des obstacles. Ainsi, pour s'affermir encore plus, elle promit aux pieds de Jésus-Christ, qu'après avoir fait auprès de son supérieur toutes ses diligences et tous ses efforts pour obtenir de lui de se renfermer au plus tôt dans le monastère nouvellement construit, elle y ferait vœu de garder fidèlement la clôture. Dès qu'elle eut fait cette prière, la sérénité revint dans son âme, l'ennemi s'enfuit avec honte, elle se félicita de s'être ainsi engagée, et la joie qu'elle en eut ne la quitta plus. « Je restais, dit-elle, fort fatiguée de ce combat, mais dès que j'eus reconnu que c'était un jeu du démon, je n'en fis que rire. Je crois que notre Seigneur permit cette attaque pour me faire connaître la grâce particulière dont il m'avait prévenu, et de quelle peine il m'avait exempté quand il avait permis que, depuis 28 ans que je suis religieuse, je n'eusse jamais été un moment mécontente de l'être. Cependant, Dès qu'on vint à savoir que le monastère était établi, d'abord on en loua Dieu, mais au bout de quelques heures les cantiques de louanges furent interrompues, il s'éleva partout un grand murmure. Les plus considérables citoyens regardèrent cet établissement comme un mauvais présage, et crurent que leur ville serait renversée si le monastère n'était abattu. Thérèse, qui ne savait pas ce soulèvement, fatiguée des travaux de la nuit précédente, et des peines d'esprit qu'elle avait essuyées, voulut un peu se reposer après le dîner. Cela lui fut impossible, car dès qu'on eut su ce qui était arrivé le matin, la prière de l'Incarnation, pour apaiser le bruit, envoya ordre à Thérèse de revenir sur le champ dans son monastère. À peine eut-elle reçu ce commandement, qu'elle dit adieu à ses quatre novices, désolée de la voir partir, et en ayant nommé une pour être à la tête des trois autres, elle se rendit à son couvent. Elle crut qu'on l'allait mettre en prison, mais ne s'en inquiéta pas beaucoup. Dès qu'elle eut pourtant rendu compte de ses actions, la prieure s'apaisa un peu. Comme on avait envoyé un courrier au père provincial pour lui apprendre ce que Thérèse avait fait, il vint aussitôt, et fit appeler la sainte. Elle dit qu'elle en trouvait ce bon père, elle repassait dans son esprit les innocents artifices dont elle s'était servie pour lui cacher sa négociation, et qu'à cette idée elle ne pouvait s'empêcher de rire quand elle parut devant lui. Le provincial la réprimanda sévèrement, et les religieuses mal intentionnées exagérèrent beaucoup les défauts de sa conduite. Thérèse à tout cela ne répondait rien, suivant la résolution qu'elle avait prise. Mais enfin le provincial l'obligea de parler, et elle fit le récit de toute cette affaire si ingénument et si franchement, que ni le père ni les religieuses n'eurent plus rien à lui objecter. Cependant, ayant cherché l'occasion dans la suite d'entretenir le provincial en particulier, elle lui fit un ample détail de toutes choses, qui l'éclaircit parfaitement. Il lui témoigna beaucoup d'affection, lui fit bien des honnêtetés, et lui promit qu'il contribuerait aux avantages du nouveau monastère dès que l'émotion de la populace serait apaisée. La ville fut durant 3 jours dans une aussi grande agitation que si elle eût été assiégée par les ennemis. L'artisan quittait sa boutique, le bourgeois sa maison, les fainéants couraient de rue en rue. Il faisait beau voir une pauvre fille livrée à la contradiction d'une ville entière, et de tous les corps qui la composaient, contrariée par les ecclésiastiques et par le peuple, devenue la fable du public, et la risée de tout le monde, sans compter ce qu'elle souffrait de la part de ses religieuses. « Je ne comprends pas, » dit-elle. Comment on pouvait s'imaginer que 3 ou 4 religieuses enfermées puissent porter un si grand préjudice à toute une ville? Le gouverneur, le maire et les échevins, les principaux habitants, les théologiens, les jurisconsultes, s'assemblèrent, pour conférer sur cet événement, qu'ils regardaient comme une des plus importantes affaires, les chefs de chaque communauté. Les députés du chapitre de la cathédrale, de religieux de chaque couvent se trouvèrent à la conférence. Ils résolurent dans leur délibération, que pour le salut de la ville il fallait renverser ce monastère, après en avoir enlevé l'Eucharistie, et ils auraient sur l'heure exécuté leur jugement, si le père Bagnier, l'un des plus graves religieux de l'ordre de Saint-Dominique, et qui ne connaissait point alors Thérèse, ne se fût levé au milieu de l'assemblée, où il harangua après le gouverneur, pour s'opposer seul à leur décision, et leur faire entendre qu'il ne fallait pas tant se presser, qu'on devait réfléchir prudemment à ce qu'on ferait, qu'on avait tout le temps d'attendre, et que cela regardait la juridiction de l'évêque. Il apporta plusieurs raisons, qu'il exposa avec beaucoup de sagesse, et avec tant de douceur, que le dessein d'abattre ce monastère ne fut pas exécuté. Cependant, durant tout l'orage, Thérèse n'avait d'autre liberté que celle de lever les mains au ciel, et disait à Dieu, « Seigneur, Cette maison n'est pas à moi, c'est pour vous qu'elle a été faite, maintenant qu'il n'y a personne qui en prenne soin, c'est à vous de le faire. » La ville était toujours fort émue, Thérèse, et ceux qui l'avaient servie dans cette œuvre, étaient chargés de malédictions. L'esprit de discorde se répandait dans tous les quartiers pour y exciter de nouveaux troubles, et la sainte, en milieu de ces soulèvements populaires, s'affermissait si bien dans la ferveur de l'oraison, que bien qu'elle sût tous les traits de calomnie qu'on lançait sur elle, son âme était aussi tranquille que si rien de tout cela ne le regardait. L'on ne peut avoir de meilleure preuve que la lettre enjouée qu'elle écrivit à Madame de Guillaumard, qui était à tort en ce temps-là, pour la prier de lui acheter une cloche, et quelques missels, et de les lui envoyer. Ce n'est pas que de temps en temps elle n'eut quelques alarmes que le monastère ne fût détruit, mais Dieu la rassurait aussitôt dans la prière. Le peuple était toujours ardent à aigrir le gouverneur, qui, croyant que tout lui serait ouvert, vint au monastère, où il commanda aux quatre jeunes novices d'en sortir, ou qu'il ferait enfoncer les portes. Ces filles, que la sainte avait instruites à ne pas trembler, répondirent honnêtement que ce n'était point au gouverneur, mais à l'évêque à donner un tel ordre, et que dès que le prélat leur commanderait, elle sortirait aussitôt. Cette réponse eut son effet, et calma le gouverneur. Il se retira, fit écarter la populace, apaisa le tumulte, et renvoya l'affaire à une justice réglée. Cependant, il n'y avait personne qui voulût se charger des intérêts de ce monastère. Mais Julien d'Avila, très saint prêtre et très éclairé, se déclara son défenseur, et comme on en avait appelé à Madrid pour les religieuses, on envoya un commissaire du conseil royal sur les lieux pour s'instruire des raisons des deux parties. Tandis que toute la ville se déchaînait contre cet établissement, sans que personne eût le crédit de le protéger, Thérèse du fond de sa solitude poussa des gémissements vers le ciel, et au sortir de sa prière demeurait aussi tranquille que si elle eût eu la protection de tout l'univers. Cette tempête dura 6 mois avec beaucoup de fureur, et c'était la croix que Jésus-Christ avait prédite à la sainte lorsqu'elle était à Tolède, et qu'elle porta si courageusement, de crainte néanmoins que ces quatre religieuses ne manquassent de quelque chose dans le monastère, le docteur Das, soutenu de l'évêque, en fit prendre soin hardiment. Elles furent pourvues de confesseurs et d'exhortations pour les animer et pour les instruire. Le père Ivanier, dominicain, revint à Avila, où il était en grande réputation. Il employa son autorité pour amener à la raison quantité de personnes prévenues, et leur inspira de meilleures intentions. Dès qu'il fut parti, on sollicita fortement l'évêque de faire avoir à Thérèse la permission de son provincial pour retourner au monastère de Saint-Joseph. Cela paraissait alors bien difficile, néanmoins cette permission lui fut accordée. Ainsi vers la fin de l'année 1562, elle revint au couvent de sa réforme, et amena même avec elle 4 autres religieuses de l'Incarnation, dont il y en avait une qui fut élue prieure, car Thérèse ne voulait pas l'être. On peut juger de la joie que cette petite troupe répandit dans cette maison naissante. Le prélat ayant remarqué dans la suite combien Thérèse était propre au gouvernement, et quelle était l'étendue de sa prudence, l'obligea de se mettre à la tête de ses sœurs. Dieu lui fit dans cette charge 1000 grâces nouvelles, qui témoignait assez avec quelle complaisance il les voyait. Ce fut alors qu'on eut occasion de mieux connaître sa profonde sagesse. Elle donna à ses filles la forme de vie qu'elle devait mener, et ne fit rien sans la participation de l'évêque. Elle mit pour fondement de sa règle l'exercice de l'oraison, et la mortification des sens. Elle établit la clôture exacte, ferma les parloirs, défendit les entretiens et les communications du dehors, et rendit les conversations du dedans fort courtes et fort rares. Elle ne permit à ces religieuses, pour se soulager dans leur peine, que le recours aux consolations divines, qui ne leur manquèrent pas. Elle établit la pratique de vivre d'aumône et sans revenu. Elle réforma l'habillement, changea l'étamine en grosse serge, les souliers en sandales, les matelas en paillasse, et la délicatesse des aliments en grossière nourriture. Lorsque les choses eurent été réglées de la sorte, et avec tant de succès, la ville commença à se désister de ses poursuites, et l'on s'aperçut que le procès tombait de lui-même. Ceux qui s'étaient élevés contre cette fondation avec plus d'emportement, y devinrent les plus affectionnés, et chacun avoua que la victoire de tant de traverses et de tant d'obstacles ne pouvait être que l'ouvrage de Dieu. Aussitôt les aumônes se répandirent avec abondance dans le monastère, tout le monde, dit la sainte, nous apporte, sans que nous demandions, et il ne nous manque rien. Nous gardons la règle telle que l'a dressée le père Hugues, cardinal de Sainte-Sabine, confirmé, l'an 1248, par Innocent IV, la cinquième année de son pontificat. Mais ce qui étonna le plus, c'est que dans cette habitation nouvelle, il vint s'y renfermer plusieurs jeunes filles de condition, très attachées au monde, entre lesquelles on distingua beaucoup de nièces de la sainte, dont l'une était celle qui lui avait offert 1000 ducats quand elles commencèrent à parler de ce projet.